Ça va, le mental suit, c'est pas trop la galère, on s'en prie. Putain, comment c'est galère, enfermé dans cette cellule de misère. Mon pote, c'est 4 mètres sur 4, j'ai mon creux et ma feuille pour penser ma tristesse. T'inquiète, au studio, on est tous hal avec toi et on prie pour que tu sortes bientôt de cette putain de zombie. Continue, apéra dans ta cellule, moi et les gars, on a été lui dire un mot à cette crap. C'est pas facile, tu sais, mais je fais avec ce que j'ai. Merci de vous en être occupé, mais il me reste encore 6 mois à tirer. Je sais, mais pense que si c'est pas toi, c'est lui qui allait tirer. Oui, mais quand je pense que lui s'en est tiré, en attendant, moi je suis allé pour te voir, y'a rien d'autre que le parloir. Mais ça, c'est cette putain de justice, mais toi, j'ai appris que t'as tapé la police. T'inquiète, j'étais voir tes parents, ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de leur fils. Embrasse-les pour moi, Vido, je sais que je peux compter sur toi. La Tess et ma famille me manquent, mais cette femme avait des enfants. Obligé de faire quelque chose sur le moment, j'ai pas pensé que j'aurais pu vous quitter. T'inquiète, je le sais bien, mais si seulement ils savaient que cette famille, tu les as sauvés. Si seulement elle aurait voulu témoigner, mais elle a eu peur qu'il arrive quelque chose à son enfant. T'inquiète, elle me demande comment tu vas de temps en temps. Si je suis béton dans cette prison, c'est pas de la faute de son fiston. C'était ça où il aurait fini à la rue. Pour un gosse de 12 ans, c'est chaud d'être à la rue. Regarde-moi ce que j'ai vécu. T'inquiète, à ta sortie, on continuera l'album, le projet qu'on a bâti. T'inquiète, des textes, j'en ai écrit. Ça va marcher, tu verras quand l'album sortira. Plus que 6 mois, et notre rêve se réalisera. Vas-y, vas-y, couche, je te laisse, à la prochaine. Ok, bah, passe le bonjour à ma Mufa et au gars de la Tess. Vas-y, ça sera fait en plus, vas-y. Ok, bah, à bientôt alors.